On va parler avec du centre de ski de Domiski. Nouvelle année au centre de ski de Domiski. Question d'en savoir davantage. Ben, on parle avec la nouvelle coordonnatrice Stéphanie Thébès. Bonjour Stéphanie. Stéphanie, pour que te connaître d'avant un petit peu, si on parlait un peu de ton profil, connaître la nouvelle coordonnatrice cette année du centre de ski de Domiski. Oui, en fait, j'ai un parcours, si on veut, plutôt atypique, si on veut. OK. Dans le fond, ma première passion à la vie, ça avait été la biologie. OK, Donc, monsieur. OK. j'ai fait un DEC en laboratoire médical, puis un bac en biologie médicale. OK. Fait que j'ai travaillé 6 ans au laboratoire ici à Dolbeau. Ensuite, je me suis réorientée en administration. Oui. J'ai fait un bac en admin. J'ai passé 3 ans à la maison du bel âge, pendant lesquels j'ai aussi complété une maîtrise en gestion de projet. OK. Mais dans la vie de tous les jours, je suis une grande passionnée de plein air en général, de ski de fond, de raquettes, de fat bike. Fait que Ça a aidé beaucoup, j'imagine, à avoir quand tu as vu la possibilité de travailler à cet endroit-là, ou le centre de ski, tu as dû dire, ben là, au moins je vais appliquer, c'est ça? Ben oui, quand même, parce que je suis une fan complète du Toboski à Saint-Félicien, OK. puis je suis convaincue que le Domiski, en fait, a ce potentiel-là, qu'on peut faire la même chose, mais à Dolbeau-Mistassini. Fait que c'est sûr que oui, ça m'a interpellée. Il y a des beaux sentiers à Dolbeau-Mistassini. Ben oui, absolument. Puis ils ont vraiment été travaillés. Je dirais dans les 3 dernières années, on a vu une évolution OK. assez radicale des sentiers qui sont maintenant beaucoup plus accessibles qu'avant, puis qui sont beaucoup mieux indiqués qu'avant. Puis en ce sens-là, on travaille encore, on veut les mettre sur Ondago, donc pour que tout le monde soit capable de se géolocaliser à même son téléphone. Fait que les sentiers sont en perpétuelle amélioration, puis c'est que du beau qui s'en vient là-dessus. OK. Donc, qu'est-ce qui s'en vient maintenant? D'abord, comment tu vois avant de poser la question concernant ce qui s'en vient, comment tu vois ça, le défi du centre de ski de Musquet, à date, ce que tu as vu? Ça fait-tu longtemps que tu es en poste? En fait, je suis arrivée le 1er novembre, OK. donc dans la période de préparation intense pour l'hiver, si on veut. Ouais. Mais ce que je vois vraiment, en fait, pour le demi-ski, c'est justement de développer le plein potentiel au niveau des 4 saisons. OK. Donc oui, c'est un centre à la base de ski alpin de planche à neige, mais comme on disait, il y a du potentiel sur le terrain pour faire des sports à l'année. Fait que c'est vraiment là-dessus Ah, c'est clair. qu'on veut plancher, qu'on veut développer, puis que les gens soient attachés à ce centre-là, puis qu'ils n'aient pas besoin de sortir à l'extérieur de la ville pour faire leur activité en plein air. Ben, en fait, pour le ski, il y avait surtout en vélo de montagne, en fat bike, tu as parlé, il y a vraiment des beaux sentiers, en raquette aussi. C'est sûr que c'est plus difficile un petit peu peut-être pour la personne qui est plus avancée du côté du ski, par exemple, du ski alpin, là. Mais Oui, ça, ça, tout le monde en convient on que se c'est le peut-être cache pas. un début, là. Pour la personne qui débute, c'est correct, mais pour les autres, c'est plus difficile un peu, là. Ben, c'est exactement ça. OK. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant concernant les nouveautés cette année? Est-ce qu'il y a plusieurs nouveautés? Il y en a quelques-unes. C'est surtout en fait une année de reprise, on va en Ouais. convenir. Apparemment, c'était tranquille l'année passée. Mais première des choses, retour du restaurant en dedans. Mais au niveau réellement du dehors, il va y avoir les circuits de raquettes qui vont être instaurés. Donc, justement pour aider les personnes avec des jeunes enfants ou qui savent pas trop quelle randonnée ils veulent faire, ben il va y avoir des circuits préétablis où les gens peuvent voir à l'avance c'est quoi la longueur du sentier, le niveau de difficulté, et que tout ce qu'ils ont à faire, c'est suivre les pictogrammes. Fait qu'on a ça. Et on a aussi la caravane de fat bike qui va venir 2 semaines sur 4, Ah, c'est bon qui ça. est en fait oui, qui est une collaboration avec justement le Toboski. OK. Qui est un petit organisme à part en fait, mais qui ont fait acquisition de 20 fat bikes. OK. Donc, ils vont être en location 2 semaines sur 4 au demi. Parce qu'actuellement, notre flotte de location se limite à 2 vélos. Et que ça fait pas des grosses sorties en famille. Fait que les grosses nouveautés, c'est pas mal ça, là. Tu as parlé de reprise tantôt. Comment ça s'enligne pour ça? Est-ce que les gens ont montré de la motivation? Est-ce que les gens sont intéressés? Qu'est-ce qu'on dit là, depuis le début, là? En tout cas, l'équipe sur place qui travaille au montage est très fébrile. Ils ont super hâte que ça revienne. Puis tout le monde à qui je parle, qui ont travaillé là par le passé, sont super motivés. OK. C'est sûr que le pouls de la population en général, on ne l'a pas nécessairement encore. Par contre, on va vraiment l'avoir en fin de semaine prochaine où ça va être la pré-vente des billets de OK. saison. Au Fait que ça a été chez Sport annoncé. Expert, j'imagine, encore une fois, c'est ça? Absolument. OK, parce que Absolument. Stéphane a toujours été un très très bon collaborateur, Oui. donc il n'y a pas de problème là, du côté de Stéphane. Sais-tu, votre objectif est quoi? Au moins de revenir comme v'là 2 ans? Oui, ben on a quand même un objectif de croissance, je dirais. OK. Ne serait-ce que, justement, c'est ça, la saison passée, oui, elle a oublié, non seulement à cause du COVID, mais aussi à cause de la météo qui avait été exécrable. On m'a dit que le centre avait ouvert le 21 janvier. OK, ouais, Donc, c'est sûr qu'avec un centre qui n'a pas de canon à neige puis qui est face sud, la saison est courte, mais quand même, on essaie vraiment oh oui, on veut un objectif de croissance, là, on au a moins. parlé de nouveautés, mais est-ce que les festivals, est-ce que les autres activités qu'on a vues reviennent? Est-ce qu'il Neige. y a... Ouais. Oui, on vise neige au moins. OK. Le dossier a été lancé la semaine passée Ah, OK. Donc, là-dessus. ouais. Donc, il va y avoir au moins festi-neige. OK. Les mesures par rapport à la COVID, on est tout écœuré, là, mais est-ce qu'il y aura le passeport vaccinal? Est-ce qu'il sera exigé? Est-ce qu'il va être exigé également d'autres choses également? Est-ce qu'il y aura pas des bulles, mais qu'est-ce qui va être exigé pour la COVID, là? C'est plus lousse, si on veut, que l'an dernier. OK. En ce sens que, première des choses, on n'a pas de capacité à respecter pour le chalet. Donc, l'année passée, je pense qu'il fallait qu'ils prennent l'air et qu'ils fassent un 2 mètres. Donc, cette année, on n'a pas ça. En fait, pour le passeport vaccinal, il est requis pour les activités requérant le remont de pente. Ouais. Fait que si vous venez faire du racket, du ski de fond, du fat bike, vous n'avez pas besoin de présenter votre passeport. Par Ah, c'est contre, bon si vous ça. faites. Ouais, mais si vous voulez manger une poutine après, ça le prend. OK. Fait que dans Donc. le fond, le passeport est requis pour, c'est ça, ski alpin planche et la restauration. Mais il faut aller à la salle de bain sans le présenter. Puis sinon, c'est simplement le port du masque, la distanciation d'un mètre, puis 10 personnes par table. Mais sinon, on est quand même pas si pire, je trouve. Ben, Stéphanie, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Bravo, puis au plaisir de se parler. On va se reparler un autre tantôt. Ben, merci beaucoup. Voilà, Stéphanie Théberge, qui est la nouvelle coordonnatrice du centre de ski de